L'alliance et le reniement. El-Wale wal-Bara. Sache qu'Allah exalté a ordonné aux croyants de prendre les associateurs et les mécréants pour ennemis, à savoir ceux qui renient Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ou prennent d'autres divinités avec Allah. Allah loué soit-il a dit, ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour allié mon ennemi et le vôtre lui offrant l'amitié, alors qu'ils ont nié ce qui vous est parvenu de la vérité. Ils expulsent le messager et vous-même, parce que vous croyez en Allah, votre Seigneur. Si vous êtes sortis pour lutter dans mon chemin et pour rechercher mon agrément, leur témoignerez-vous secrètement de l'amitié, alors que je connais parfaitement ce que vous cachez et ce que vous divulguez. Et quiconque d'entre vous le fait s'égare de la droiture du sentier. Sourate 60, verset 1. Et d'un autre côté, Allah a ordonné aux croyants de prendre pour alliés les alliés d'Allah, qui sont les croyants, de les aimer et de les aider pour Allah. Allah exalté dit, que les croyants ne prennent pour alliés des infidèles au lieu des croyants. Quiconque le fait contredit la religion d'Allah, à moins que vous ne cherchiez à vous protéger d'eux. Allah vous met en garde à l'égard de lui-même, et c'est Allah le retour. Sourate 3, verset 28. Définition 1 de l'alliance. L'alliance, c'est aider, aimer, honorer, respecter et être toujours avec les aimés sur tous les plans, intérieurs et extérieurs. Allah le Tout-Puissant a dit, Allah est le défenseur de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Quant à ceux qui ne croient pas, ils ont pour défenseurs les taroutes, qui les font sortir de la lumière vers les ténèbres. Voilà les gens du feu, où ils demeurent éternellement. Sourate 2, verset 259. 2. Du reniement. Le reniement, c'est l'éloignement, l'inimitié, la haine après l'appel à l'islam. Explication des deux définitions. Ibn Taymiyyah a dit, l'alliance, c'est le contraire de l'inimitié. Les bases de l'alliance sont l'amour et le rapprochement. Les bases de l'inimitié sont la haine et l'éloignement. L'allié, c'est le proche. Si l'allié d'Allah est celui qui accepte et suit ce qu'Allah aime et accepte, déteste et s'éloigne de ce qu'Allah déteste, celui qui le prend pour ennemi est un ennemi d'Allah. Allah exalté soit-il dit, ô vous qui avez cru, mon ennemi est le vôtre. Sourate 60, verset 1. Ibn Taymiyyah a dit, il faut que le croyant aime et déteste pour Allah. S'il y a un musulman comme lui, il est obligé de l'aimer et de s'allier avec lui, même s'il était injuste envers lui. Car l'injustice n'annule pas l'alliance de la foi. Il faut qu'il prenne le mécréant pour ennemi et le déteste, même s'il est bienfaisant envers les musulmans, car il est injuste envers Allah. Allah ayant fait descendre les livres et envoyer des messagers pour être adorés seuls, et par conséquent, ses alliés sont des bien-aimés et ses ennemis les très détestés. L'honneur et la récompense sont pour ses alliés. Le déshonneur et châtiment sont pour ses ennemis. Si en une personne on trouve du bien et du mal, obéissance et perversion, sunna et innovation, cette personne doit être aimée pour le bien qu'il y a en elle et être détestée pour son mal. C'est pour cela que l'on classe les gens en trois catégories aux yeux des ulamas. Première catégorie, ceux qui sont aimés totalement. Ce sont ceux qui croient en Allah, en son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se soumettent à Allah par les différents actes d'adoration en les vouant à lui seul. Ils se sont inclinés devant ses ordres et se sont éloignés de ses interdits. Ils aiment pour Allah et détestent pour lui, s'allient pour lui et prennent ses ennemis comme leurs ennemis. La deuxième catégorie, ceux qui sont aimés et détestés en même temps. Ce sont des musulmans soumis à Allah, mais qui font des péchés. Il faut donc les aimer pour leur soumission et les détester pour ce qu'ils font comme péché. La troisième catégorie, ceux qui sont totalement détestés. Ceux-là sont ceux qui ont renié Allah, ses anges, ses prophètes, le jour dernier et la prédestination. Ou alors ils ont délaissé un seul pilier de l'islam, associé ce qui les fait sortir de l'islam. En fait, un ennemi parmi les 10 annulatoires. Les ennemis d'Allah ou leurs alliés. Le premier et le grand ennemi d'Allah, le diable. Allah a dit, ne vous ai-je pas engagé, enfant d'Adam, à ne pas adorer le diable, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. Sourate 36, verset 60. Les différents niveaux d'inimitié du diable à l'homme. Niveau 1. La mécréance et l'association. Le but primordial du diable est de faire tomber l'homme dans la mécréance et l'association et de se dresser contre Allah et son prophète, alayhi salatu wa salam. S'il conduit l'homme à ce but, il en serait tranquillisé et pourrait l'intégrer dans son armée. Mais si le diable ne réussit pas à le faire tomber dans la mécréance, il va entraîner l'homme à la seconde étape. Niveau 2. L'innovation. Si l'homme est musulman et soumis à Allah pour les différents actes d'adoration, le diable va tenter de le pousser à adorer Allah avec des actes nouveaux n'émanant pas du prophète, alayhi salatu wa salam. Car pour le diable, l'innovation est de loin meilleure que les grands péchés. Car l'innovateur croit toujours qu'il est en train de faire le bien. Or, celui qui commet des grands péchés sait pertinemment qu'il est désobéissant à Allah. Cependant, si l'homme est un musulman qui déteste et s'éloigne des innovations, le diable va essayer de l'entraîner dans le troisième niveau. Niveau 3. Le grand péché. Avec ses différents types, le diable fait tout pour faire tomber l'homme dans le péché, et en particulier les savants qui sont écoutés des gens afin que ces derniers s'éloignent des ulamas et restent dans l'ignorance. En cas d'insuccès, le diable passe à l'étape suivante. Niveau 4. Les petits péchés. Ils sont très dangereux. S'ils s'assemblent dans une personne, deviennent plus graves que le grand péché, car l'homme est tenté de se laisser aller aux petits péchés. Et si le diable arrive à lui faire négliger ses petits péchés, son cas devient plus grave que le cas de l'homme ayant fait un grand péché, tout en ayant peur de son acte. Le petit péché n'ayant pas d'importance à ses yeux. Et si le diable ne réussit pas à l'entraîner dans ce niveau, il va essayer le suivant. Niveau 5. S'intéresser aux choses permises, pour lesquelles l'homme n'est ni récompensé, ni puni, mais qui lui font perdre son temps. Mais si l'homme sait très bien utiliser son temps pour acquérir la récompense d'Allah, le diable tente le sixième niveau. Niveau 6. Le pousser à s'intéresser aux actes les moins récompensés, pour lui faire perdre la meilleure récompense d'Allah. Par exemple, le diable va le pousser à faire plusieurs bonnes œuvres dans le but de le faire tomber dans le mal. Orgueil, fierté, ostentation. Il l'empêche de faire une œuvre majeure, très bien récompensée pour une œuvre de moindre valeur. Néanmoins, ne possède ce niveau de clairvoyance que celui qui voit avec la lumière d'Allah, l'ayant obtenu suite à ses œuvres qu'il a fournies pour suivre la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam et son grand intéressement au degré d'importance des œuvres auprès d'Allah, de même que les plus aimés et les plus acceptés par Allah. Loué soit-il. Les causes de l'inimitié qui existent entre les alliés d'Allah et les alliés du diable. L'arrogance. Les alliés du diable ont renié par arrogance la vérité qui émane d'Allah. Allah exalté dit, ceux qui discutent sur les versets d'Allah sans qu'aucune preuve ne leur soit venue, n'ont dans leur poitrine qu'orgueil, ils n'atteindront pas leur but. Implore la protection d'Allah, car c'est lui l'audient, le clairvoyant. Sourate 40, verset 56. L'amour des biens terrestres et les préférés au paradis. Les causes de l'inimitié qui existent entre les alliés d'Allah et les alliés du diable. 1. L'arrogance. Les alliés du diable ont renié par arrogance la vérité qui émane d'Allah. Allah exalté dit, ceux qui discutent sur les versets d'Allah sans qu'aucune preuve ne leur soit venue, n'ont dans leur poitrine qu'orgueil. Ils n'atteindront pas leur but. Implore la protection d'Allah, car c'est lui l'audient, le clairvoyant. Sourate 40, verset 56. 2. L'amour des biens terrestres et les préférés au paradis. Allah exalté dit, ceux qui préfèrent la vie d'ici-bas à l'au-delà obstruent aux gens le chemin d'Allah et cherchent à le rendre tortueux. Ceux-là sont loin dans l'égarement. Sourate 14. Et si l'arrogance et l'amour des luxes terrestres sont présents chez un mécréant, ce dernier est très gêné de la présence des alliés d'Allah, même s'il n'y a aucun contact entre les deux camps, du fait que la présence des alliés d'Allah avec leur pureté et leur propreté morale et physique, ainsi que leur dignité, chagrine les ennemis d'Allah. Allah exalté a dit, ils aimeraient vous voir mécréants comme ils ont mécru, alors vous seriez tous égaux. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier d'Allah. Sourate 4, verset 89. La présence du camp propre dévoile les défauts et les inconvénients du camp sale. Alors commence la guerre entre les ennemis d'Allah et ses alliés. 3. La jalousie et la haine. Allah le Puissant dit, nombre de gens du livre aimeraient par jalousie de leur part pouvoir vous rendre mécréants après que vous ayez cru et après que la vérité s'est manifestée à eux. Pardonnez et oubliez jusqu'à ce qu'Allah fasse venir son commandement. Allah est très certainement omnipotent. Sourate 2, verset 109. Voilà donc le but clairement défini, que les alliés d'Allah deviennent mécréants, afin qu'ils soient et deviennent les alliés du diable, comme eux, par la mécréance et l'égarement. 4. La perte du pouvoir, de la domination et de l'emprise sur les gens. Ceci concerne les hautes classes de la société et les pouvoirs qui règnent sur les gens et les exploitent à leurs fins personnelles et afin que ceux-ci les prennent en divinité en dehors d'Allah. Et si l'islam arrive que les gens commencent à se libérer et l'adopter comme religion et mode de vie, reniant les faux dieux, alors ces pouvoirs et ces tyrans se déchaînent et s'acharnent à combattre les alliés d'Allah. Ces tyrans sentent le danger, voyant leur pouvoir diminuer et leur intérêt diminuer de plus en plus. Les différentes sortes d'alliances avec les mécréants qu'il faut éviter. Il faut savoir que certaines alliances font sortir de l'islam et que d'autres sont considérées comme des grands péchés. 1. Accepter leur mécréance. Refuser de les renier, avoir un doute sur leur mécréance ou bien dire que leur idéologie est juste. Tous ces actes sont considérés comme une alliance avec les mécréants car le fait de refuser de les renier, avoir un doute sur leur mécréance ou bien dire que leur idéologie est juste. Tous ces actes sont considérés comme une alliance avec les mécréants, car le fait de refuser de les renier et le fait de leur dire qu'ils sont dans la vérité les rend heureux et contents. Et il faut savoir que celui qui aime les mécréants est comme eux, un mécréant, car l'amour vient du cœur et n'est connu que d'Allah. Seul lui connaît le contenu des cœurs et personne ne peut le contraindre à l'aimer. 2. L'alliance totale avec eux, les prendre pour alliés et entrer dans leur religion. Allah exalté dit, que les croyants ne prennent pas pour alliés des infidèles au lieu des croyants. Quiconque le fait contredit la religion d'Allah, à moins que vous ne cherchiez à vous protéger d'eux. Allah vous met en garde à l'égard de lui-même, et c'est à Allah le retour. Sourate 3, verset 28. Ibn Jarir a dit, celui qui prend les mécréants pour alliés en acceptant leur religion et en les aidant à combattre les musulmans, sorte totalement du cercle de l'islam, sauf s'il est dans leur pays et sous leur pouvoir. Il leur insinue qu'il est leurs alliés avec la parole en gardant son cœur plein de haine envers eux, sans jamais participer avec eux dans leur mécréance et dans leur combat contre les musulmans. Allah a dit, ô les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide pas les injustes. Sourate 5, verset 51. Ibn Jarir a dit, celui qui prend les juifs et les chrétiens pour alliés en dehors des croyants est un des leurs. Quiconque prend un mécréant pour allié montre qu'il accepte leur mécréance et leur religion et leur égarement. Ibn Hazm a dit, Allah dit, celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Cela veut dire qu'il est mécréant comme eux. Et c'est la vérité. Ibn Taymiyyah dit, dans ce verset, Allah dit que celui qui s'allie avec les mécréants est comme eux. Et dans un autre verset, Allah dit, s'il croyait en Allah, au prophète et à ce qui leur a été descendu, il ne prendrait pas ces mécréants pour alliés. Mais la plupart d'entre eux sont pervers. Sourate 5, verset 28. Sourate 5, verset 8. Donc Allah nous dit que normalement la croyance en lui, au prophète et à l'islam nous empêche de prendre les mécréants pour alliés. Et jamais l'amour des mécréants et d'Allah pourront s'assembler dans un seul cœur. 3. Accepter certains de leurs actes de mécréance. Ou bien accepter leur jugement tout en refusant le jugement d'Allah. Allah exalté a dit, n'as-tu pas vu ceux-là à qui une partie du livre a été donnée, ajouter foi à la magie et au tarot, et dire en faveur de ceux qui ne croient pas, ceux-là sont mieux guidés sur le chemin de ceux qui ont cru. Sourate 4, verset 51. Donc Allah nous informe qu'ils ont suivi la magie et ils ont délaissé le livre d'Allah, comme font la plupart des juifs et certaines personnes qui soi-disant font partie de la communauté musulmane. 4. Les aimer et les prendre pour amis. Acte interdit par Allah dans le verset suivant. Tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leur frère ou les gens de leur tribu. Il a prescrit la foi dans leur cœur et il les a aidés de son secours. Il les fera entrer dans des jardins sous lesquels coule le ruisseau, où ils demeurent éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. Ceux-là sont le parti d'Allah. Le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent. Sourate 59, verset 22. Ibn Taymiyyah a dit, Allah nous informe que nous ne trouverons pas un croyant qui prend pour amis les ennemis d'Allah et son prophète, alayhi salatu wassalam, parce que la foi s'oppose à l'amour des mécréants. Et si la foi est présente, l'amour des ennemis d'Allah devrait être normalement absente. Et si un homme s'allie avec les ennemis d'Allah avec son cœur, sache que ce cœur est vide de foi. Allah exalté dit, « Et ne vous penchez pas vers les injustes, sinon le feu vous atteindrait. Vous n'avez pas d'alliés en dehors d'Allah, et vous ne serez pas secourus. » Sourate 11, verset 113. Al-Qurtubi a dit, « Le penchant, c'est avoir confiance, se rapprocher d'eux et les accepter. » Qatada a dit, pour l'interprétation de ce verset, « Ne les prenez pas pour amis et ne leur obéissez pas. » Ce verset est une preuve évidente à savoir. Il faut s'éloigner des mécréants et des gens égarés et des innovateurs. Le fait de les prendre pour amis est soit un acte de mécréance ou un grand péché. Et l'amitié n'existe pas quand il y a l'amour. 5. Faire des concessions dans la religion pour leur plaire. Et malheureusement, c'est un acte qui est fait par plusieurs personnes soi-disant musulmanes. En général, les concessions commencent par des petites choses dans la religion. Jusqu'à ce que l'homme fait des concessions sur les piliers de l'islam. Allah dit, ils aimeraient bien que tu transiges avec eux afin qu'ils transigent avec toi. Sourate 68, verset 9. 6. Les prendre comme conseillers en dehors des croyants. Allah dit, ô les croyants, ne prenez pas de confidents en dehors de vous-même. Ils ne failliront pas à vous bouleverser. Ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. La haine s'est manifestée dans leur bouche, mais ce que cache leur poitrine est encore plus énorme. Voilà que nous exposons les signes, si vous pouviez raisonner. Sourate 3, verset 118. 7. Leur obéir quand ils ordonnent, conseillent ou recommandent. Allah l'Exalté dit, « Et n'obéissez pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. » Sourate 18, verset 28. Il a dit aussi, « Les diables inspirent à leurs alliés de disputer avec vous. Si vous leur obéissez, vous deviendrez des associateurs. » Sourate 6, verset 121. Ibn Kathir a dit, « Si vous leur obéissez, vous serez des associateurs comme eux, car vous avez délaissé le Coran et la Sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en préférant leur loi d'émanation humaine. » 8. S'asseoir avec eux, surtout quand ils se moquent des versets du Coran. Allah exalté dit, « Dans le livre, il vous a déjà révélé ceci. Lorsque vous entendez qu'on renie les versets d'Allah, le Coran, et qu'on s'enraille, ne vous asseyez pas avec cela, jusqu'à ce qu'ils entreprennent une autre conversation. Sinon, vous serez comme eux. » Sourate 4, verset 140. Ibn Jarir a dit, « Allah nous confirme que si nous restons avec les mécréants lorsqu'ils se moquent des versets d'Allah, nous serions comme eux des associateurs. » Et le verset coranique est une preuve tranchante d'Allah nous interdisant de nous asseoir avec les mécréants, les associateurs, les innovateurs ou les pervers quand ils commencent à parler de leur égarement ou de leur mécréance. 9. De leur donner une responsabilité sur les musulmans. 10. De leur faire confiance. Allah dit, « Et parmi les gens du livre, il y en a qui, si tu lui confies un kantar, 1000 pièces d'or, te le rend. Mais il y en a aussi qui, si tu lui confies un dinar, ne te le rendra que si tu le contrains sans relâche. Tout cela parce qu'ils disent, ces Arabes qui n'ont pas de livre n'ont aucun chemin pour nous contraindre. Ils profèrent des mensonges contre Allah alors qu'ils savent. » Sourate 3, verset 75. 11. Les rencontrer avec un grand sourire, à cœur ouvert, les louer et les rapprocher de toi. 12. Accepter leur comportement en les imitant. 13. Les aider et s'allier avec eux dans leur injustice. 14. Les conseiller, les remercier et bien parler avec eux. 15. Habiter avec eux dans leur demeure et leur pays. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Celui qui s'assoit avec l'associateur et habite avec lui est comme lui. » 16. Entrer dans leur complot, participer avec eux dans l'élaboration et la réalisation de leur stratagème, ou faire de l'espionnage pour eux et combattre dans leur armée. 17. Celui qui s'enfuit du pays de l'islam pour vivre avec les mécréants, car il déteste les musulmans et aime les mécréants. 18. Celui qui adhère au parti laïque et athée. Et Allah est le plus savant.